J'ai mis la rivière militante féministe qui vont présenter l'atelier. Voilà. Ah oui. Juste vous dire, en fait, veux-tu faire la présentation? Pourquoi? Oui, je m'appelle Kim, je suis membre d'un petit collectif qui s'appelle Médias Recherche Action. On tête la journée pour aujourd'hui. On diffuse sur la coop Média de Montréal, donc dans la prochaine semaine, deux semaines. Ça va être au complet. Après, on va passer tous les ateliers sans avoir coupé. On tête probablement pas les discussions qui vont avoir lieu cet après-midi. On va taper la fin du caucus. Fait que ça va être disponible sur la coop de Médias de Montréal. Si jamais vous voulez des tracks de notre petit collectif, vous savez ce que c'est, vous pouvez venir les chercher. Si jamais vous ne voulez pas vous faire taper, dites-le moi, je peux peser sur pause ou je peux juste le couper au montage, si jamais vous voulez faire. Merci. Vous, est-ce que vous êtes à l'aise de vous faire taper? C'est correct. Non. Ça fait peur pour les deux. Mais bonjour. On avait pensé faire un atelier sur comment réfléchir sur la solidarité, l'accompagnement, l'autodétermination des femmes ayant subi des violences sexuelles, comment on gère tout ça quand il y a une dénonciation, tout ce qui est au sujet de... un peu, on va l'aborder, la réintégration ou l'exclusion, ouais. Ça d'une personne ayant agressé, majoritairement des hommes, donc de l'agresseur ou des agresseurs, dans un milieu. On va surtout centrer un peu toute pas mal notre réflexion sur pas mal en milieu militant, comme un peu on a vu tout au long de la journée. Donc, peut-être on pourrait vous dire comment ça va se dérouler. Julie va un peu définir le rôle de l'allié, présenter des alliés aussi. Présenter c'est quoi les réactions à faire et à ne pas faire, proposer des exemples, des mises en situation. Puis ensuite, il y aurait une partie qui serait beaucoup plus discussion, parce que je pense que nous ne voulons pas imposer une procédure, imposer comment on devrait réagir, mais plutôt tout en réfléchir ensemble. Parce que c'est des questions qui n'ont pas de réponse claire, en fait, qu'il y a toutes sortes de moyens. Donc. Exact, c'est beaucoup du cas par cas. Bref, on voulait beaucoup passer aussi dans la deuxième partie du temps. Oh, excusez-moi, sur comment bien réfléchir à tous ces enjeux-là et pour par la suite là, faire une belle introduction après au caucus non mixte. Qui auront aussi à trait à ce genre de questions-là, mais beaucoup plus poussé sur les moyens d'action. Et après, le retour final en mixité, on va pouvoir pas mal faire un gros melting pot de présentation de tout ce qui a été vu et discuté dans les deux ateliers. Alors, voilà, Julie. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait le choix, en fait, de peut-être pas axer sur les conséquences sur les personnes, sur les femmes, sur les personnes, juste peut-être... Bon, un petit aparté, je vais plus parler des femmes qui sont victimes de violences des hommes parce que c'est ça qu'on constate généralement, mais ça n'exclut aucunement les hommes qui sont victimes d'hommes ou de femmes et bon, de toute autre situation, mais c'est plus simple comme ça pour la discussion, mais il ne faut pas me prêter des intentions d'exclure. Là, j'inclus tout le monde là-dedans, mais c'est plus simple comme ça, puis c'est dans mon habitude, je travaille en violence conjugale, donc je parle à des femmes d'hommes agresseurs, donc voilà. Donc c'est ça, j'ai choisi de ne pas parler juste des conséquences parce que de toute façon c'est facilement accessible. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait sur une femme ou sur une personne être victime d'une agression, c'est facilement accessible. Donc je vais plus parler en fait des attitudes à adopter ou des mots qui sont pas, des choses qui sont aidantes versus des choses qui sont pas aidantes. Dans un premier temps, faut comprendre que le dévoilement, quand quelqu'un vient nous voir, une femme vient nous voir pour nous dire, une amie, une sœur, peu importe, vient nous dire qu'elle a vécu une agression. Ça lui permet de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, de se sortir de la honte qu'elle peut vivre, de la culpabilité qu'elle peut vivre. Ça lui permet que quelqu'un l'entende puis la croit, parce qu'elle peut se remettre en question puis se demander « est-ce que j'ai vraiment vécu ça? » Puis « est-ce que j'ai vraiment… » Bon, tout remettre en question. Donc, c'est ce que ça permet d'aller voir quelqu'un pour dévoiler, puis ça permet aussi après de passer à contrer les conséquences que ça a dans notre vie de subir une agression. Là, il y avait la question tantôt, je me rappelle plus exactement qui, comment une personne va porter plainte, qu'est-ce qui l'amène à porter plainte, bien c'est un peu tout ça, c'est dans le processus de guérison, si je peux dire, dans toutes tes valeurs en ligne de compte, est-ce que pour moi, aller porter plainte, c'est ça qui va être aidant ou non? Donc là, on en discutera peut-être plus dans la partie en groupe où on va discuter, ouais, en tout cas, c'est ça. Bon, dans les attitudes qui sont nuisibles et aidantes, bien, premièrement, il y a le jugement. Porter un jugement, poser des questions indiscrètes, à savoir comment ça s'est passé, pour avoir des détails. C'est un peu malsain, puis c'est pas utile. Parler sans arrêt aussi, quand on se met à... Bien là, ça n'a pas d'allure, puis là, on va... Qu'est-ce que tu vas faire? Il faudrait que tu dénonces. Puis tu sais, les personnes qui se mettent à parler parce qu'ils sont dans l'impuissance, bien, trop parler... Justement, il faut arrêter, il faut se dire, OK, là, je suis impuissante face à la situation, je vais écouter ce que la personne a à me dire. Donc, ce qui est aidant, c'est de l'écouter, de laisser la personne le dire dans ses mots, à sa façon et à son rythme aussi. De pas lui mettre les mots dans la bouche parce que elle, c'est peut-être pas ça qu'elle vit, puis là, ça va encore la faire douter. Donc, il faut vraiment être attentive à comment la personne, elle se sent, puis ne pas lui dire non plus comment elle devrait pas se sentir. C'est vraiment partir de son vécu à elle. Il y a de remettre en question aussi, de douter de ce qu'elle a vécu, de nommer, bon, de demander est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Ça va avec le questionner tantôt aussi, as-tu vraiment dit non? Puis bon, c'est une question qu'on entend toujours. La personne, elle a besoin d'être crue, qu'on reconnaisse que c'est... On part du fait que c'est son vécu à elle, donc on part des émotions qui viennent quand elle en parle. On n'a pas à remettre ça en question, même si on n'est pas d'accord, même si nos valeurs à nous, notre analyse de la situation, elle n'est pas la même. Ce qui est important, c'est comment elle se sent sur le moment où elle prend la décision de venir nous en parler, puis c'est pas facile. Il faut aussi éviter de banaliser, de minimiser ou encore de dramatiser la situation. Ça, je ferai le lien avec nos propres limites aussi, d'être attentif à comment on réagit, comment notre capacité à recevoir ce genre de témoignages-là aussi, qui vont influencer notre réaction. C'est super important parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dramatiser alors que pour la personne, c'est peut-être pas aussi grave que nous, on le perçoit, ou l'inverse aussi. Donc, il faut être vraiment attentif à ce qu'on dit. Donc, c'est ça. Puis, il faut pas... puis tout ça, quand on... Excusez, là, je me perds dans ce que je veux dire. Ben, bref, c'est ça. Au niveau de... d'autres attitudes qui ne sont pas aidantes, bien, souligner les faiblesses de la personne ou ce qu'elle aurait pu dire ou faire, ce n'est pas utile. Ce qu'il faut faire, c'est encourager les actions qu'elle a posées, comme lui dire que c'est un acte quand même courageux de dénoncer, ce n'est pas facile de confronter son agresseur directement ou indirectement. Il faut aussi, bon, je vais prendre l'exemple des milieux féministes, parce qu'on est beaucoup de féministes ici, ça peut être de prendre la personne et de l'inclure dans tout le processus aussi, de reconnaître qu'elle est féministe. Là. Peut-être qu'elle aussi, elle a envie de s'impliquer dans tout le processus de, par exemple, faire une journée comme ça ici, écrire un article, peu importe, d'encourager ses forces qu'elle a déjà, puis ça peut être un exemple, entre autres. Une autre attitude qui est nuisible, c'est ignorer la situation, d'éviter de s'en mêler, de dire que ça ne nous regarde pas, que c'est du privé, qu'elle s'arrange avec ses problèmes, ou encore ignorer la demande d'aide de la personne. On fait comme si on ne l'entendait pas parce qu'on ne se sent pas capable de l'aider, peut-être. T'sais, c'est ça que je disais tantôt, de revenir à nos propres limites comme individu, ben c'est ça, de ne pas ignorer la demande d'une personne, c'est hyper important. Il faut lui dire aussi qu'on est disponible si elle a besoin d'en parler, parce que ça a l'air simple, là, mais si une personne nous dévoile, mais on ne lui dit pas, elle n'osera peut-être plus revenir en parler alors qu'elle peut en avoir besoin. Puis, à l'inverse, de lui dire qu'on ne se sent pas disponible pour le faire si on n'est pas capable, plutôt que de dire des niaiseries, finalement, puis de lui nuire plus qu'autre chose, puis d'aller valider avec elle si elle a des moyens, des personnes auprès de qui elle en parler, et sinon peut-être lui donner des ressources, parce qu'il en existe une panoplie, et ils ne sont pas tous institutionnels, des organismes communautaires qui travaillent en agression sexuelle, il y en a plein qui font un excellent travail, puis qui sont spécialisés là-dedans, donc des fois... Il faut reconnaître qu'on n'est pas capable de le faire, d'aider, puis de recevoir un témoignage. C'est difficile, c'est super violence à soi-même. Comme femme, de recevoir le témoignage d'une autre femme qui a vécu de la violence, puis on n'est pas toutes capables de... Puis c'est difficile parce qu'on est socialisé pour aider, puis on veut aider, puis on veut être là, mais si on n'est pas capable de le faire, bien, c'est correct aussi. Puis, la culpabilisation, j'en ai-tu parlé? Non, OK, excusez. d'éviter de culpabiliser, de blâmer, de lui faire porter le blâme pour ce qu'elle a fait, de laisser entendre qu'elle l'a cherché. Je pense que ça a été nommé aussi peut-être plutôt au niveau des mythes, là. De toujours lui rappeler, parce que la culpabilité, elle est là longtemps, de toujours lui rappeler que c'est l'agresseur qui est responsable de ses actes, ce ne sera jamais elle, quand on parle de violence, puis de ramener à ça. Ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes que leur réalité, c'est pas ça, ils se remettent en question longtemps à savoir si c'est elle qui est responsable de ça. La surprotection aussi, c'est très nuisible et on a malheureusement beaucoup tendance à faire ça. Éviter de la surprotéger, ça peut être... Bon, des exemples de surprotection, ton amie, elle t'a dit qu'elle a vécu une agression, tu sors le soir suivant dans un bar, elle décide qu'elle rentre avec un gars parce que c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, puis là, tu vas la voir pour voir si t'es sûre, t'es-tu correcte, ça va-tu aller, ou bien aller voir ton amie puis dire « fais attention à mon amie », ça c'est de la surprotection. Je veux dire, elle était capable de prendre des décisions jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle a vécu une agression que le lendemain, elle est plus capable. Ça lui enlève pas sa capacité à consentir, finalement. Donc, il faut la laisser faire ses choix à son rythme, puis comme elle a toujours su le faire, finalement. Puis, la dernière chose que j'ajouterais, c'est une attitude qui n'est pas aidante, c'est de vouloir tourner la page, de dire, c'est passé, là, passe à autre chose, c'est pas si pire que ça, puis arrête de ruminer ça, c'est pas grave. On a beaucoup de la misère, je pense, avec la colère socialement, mais le problème, c'est que c'est pas la colère, c'est la violence. Donc, il faut distinguer les deux. La colère, elle est saine. C'est la façon de l'exprimer. Puis, on a de la misère à recevoir la colère des autres, mais c'est normal. Puis, une femme qui a vécu de la violence, elle a besoin d'en parler. Bien, il faut pas lui enlever ça. Ça fait partie de son processus de guérison. Je sais pas si on en guérit vraiment, mais en tout cas, d'adaptation à tout ce qu'elle a vécu. Donc, c'est normal d'être en colère puis de se sentir coupable. Faut normaliser ses émotions, faut l'aider là-dedans, mais il faut surtout pas l'empêcher d'en parler. Puis ça revient encore à mettre ses limites. Si moi, je suis plus capable d'en entendre parler parce que c'est trop difficile, bien, je vais m'assurer que la personne peut aller parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est pas mal ça pour ce que je voulais apporter comme point avant qu'on aille plus discuter en groupe. Juste pour revenir au rôle, dans le fond, de l'allié, c'est peut-être d'aller se renseigner sur les conséquences, tout ça, de ce que ça fait une agression sur une personne, de respecter ses propres limites, je répète, mais c'est super important. Puis avant de poser un geste quelconque, c'est de réfléchir à l'impact que ça a sur la personne, d'aller valider avec elle qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle est d'accord que je fasse ça, puis de respecter son choix. C'est sûr que là, il y a une question qu'on veut aborder tout à l'heure avec vous parce qu'il y a toute la notion de protéger les autres versus respecter les besoins individuels d'une autre personne. C'est tout un dilemme assez complexe à débattre, donc on y reviendra en groupe après parce qu'on trouvait ça important d'en discuter. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? C'est bon? Bien. OK. Bien, ça va venir, hein, de toute façon, parce qu'on a de belles discussions qui s'en viennent. Alors, mais c'est sûr que c'est super important ce qui vient d'être nommé. Donc, c'est sûr que ça peut... ça va faire du chemin, puis il faut prendre le temps d'y réfléchir et de peut-être réévaluer ce qu'on perçoit comme un bon comportement ou ce qu'on aurait peut-être dû faire à un autre moment, puis peut-être mieux prévoir à l'avenir. Pour ce qui est comme de la deuxième partie, on voulait vraiment, plus qu'on est dans un, ou on est dans des milieux militants ou connaissent mobilisation, peu importe, on est toujours en train de politiser les enjeux, toujours en train de ramener ça sur le plan politique, on est toujours en train de trouver des coupables, de les attaquer, de les confronter. Que ça soit de toutes les manières possibles, mais souvent, il y a une invisibilisation, oui, des violences sexuelles dans les milieux militants. Donc, on trouve ça important aussi de politiser ces enjeux-là, parce que les rapports sociaux sont aussi imprégnés dans les milieux militants. C'est pas parce qu'on est dans un milieu militant qu'on est exempt de tous les rapports de domination et de toute l'imbrication là, des différents rapports sociaux et des rapports sur le sexe. Donc voilà, on trouvait ça important de réfléchir sur la politisation des enjeux, qu'est-ce qu'on fait pour se solidariser avec les victimes, mais dans des questionnements plus précis, outre l'importance des différentes manières d'exécuter un bon rôle d'allié. Fait qu'on va réfléchir sur les enjeux et les moyens d'action en tant qu'allié. On va commencer à y réfléchir, puis on va peut-être plus les élaborer dans les caucus non mixtes au quatrième atelier. J'avais envie juste de vous lire un petit truc qui vient de La Furie, qui est un collectif, La Furie collective, pardon, qui est un collectif féministe non mixte, qui est actif en Lausanne, en Suisse, depuis 2008. Ils ont fait une brochure qui s'appelle « Sous le tapis, le pavé », sur les violences sexistes dans les milieux militants. Puis je voulais juste vous lire cette petite citation-là, parce que je la trouve super intéressante. On la trouve aussi super intéressante. Donc voilà. « Comment parler de violences dans le milieu quand on se connaît toutes et tous? Comment dire mon copain m'enferme, me bat, m'insulte? Oui, mon copain, qui est aussi votre pote, avec qui vous militez depuis des années, avec qui vous vivez parfois dans la même maison. Comment se défendre? En allant chez les flics porter plainte? Ces mêmes flics que l'on tient éloignés de nos lieux de vie avec acharnement et conviction? En en parlant en réunion, devant tout le monde et devant ce gars, notre amoureux qui est présent. » Donc, on voit vraiment la complexité des enjeux de gestion des violences la classe sociale des hommes sur la classe sociale des femmes dans un contexte militant. On avait une préférence de nous diviser en deux groupes afin d'aller plus en profondeur. On a déjà des pistes de réflexion, des questions. Ça n'empêche pas du tout qu'on participe toutes dans l'élaboration de pistes de réflexion et de discussion. On avait une préférence pour séparer le groupe en deux pour favoriser donc la discussion et l'inclusion, etc. Mais on vous renvoie la question, en fait, est-ce que vous apprécierez qu'on sépare le groupe en deux? Il y a un local en haut qui est disponible. Ça ferait peut-être à peu près 20 personnes, là, vite de même. Là. Puis il y a une classe en haut. Je ne sais pas si vous vous sentiriez à l'aise avec ça ou vous préférez rester tous et toutes ensemble. Oui, ma chère. C'est dans le fond, tu veux dire, diviser le groupe des femmes en deux. Ben, tout le monde. Mais s'il y a un besoin de non-mixité, je respecterais ça. Mais vu qu'il y a aussi un atelier, le quatrième atelier, c'est là les caucus non-mixtes. C'est là qu'on va pouvoir vraiment plus aborder peut-être des sujets qu'on voudrait peut-être pas parler en mixité ou qu'on est peut-être moins à l'aise, là. Fait que ça serait vraiment séparé, je sais pas, là, une ligne de même, là, puis la moitié en haut, l'autre en bas. Ouais, shakez donc les mains, ceux qui sont et celles qui sont d'accord. C'est bon. Par contre, les autres, je crois que ça c'est vous abstenez. OK, c'est bon. Ben parfait. Fait que c'est sûr, ça serait le fun qu'il y ait comme une répartition des hommes, tant en bas et en haut, tu sais, genre, qui se mettent pas tout en gang dans une place. Je ne veux pas vous porter de mauvaises intentions, mais pour favoriser tout ça. Donc, voilà, puis faire le plus égal possible, là. Fait que je sais pas, une vingtaine. Fait que je me dirige vers la porte, puis vous pouvez me suivre, puis on va monter dans le local en haut. Puis là, on va plus pouvoir parler de plein de questions, etc. Oui? Vous aimeriez qu'on fasse ça? Oui, c'est ça. D'accord. Regarde la colonne, à peu près. Vous savez, c'est pas grave si vous rejoignez votre chemise. C'est mais à peu près la colonne, là. Ben,